tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Donne à ce peuple de comprendre, Père de gloire, que ce n'est pas parce qu'ils sont dans les difficultés qu'ils ne sont pas en dehors, qu'ils sont en dehors de toi. Donne-leur de comprendre que les difficultés ne nous éloignent pas de toi, mais nous rapprochent davantage. Donne au Dieu de gloire à ce peuple de comprendre que dans les difficultés, c'est le moment par excellence pour chercher ta face. Donne à ce peuple de comprendre qu'en toi seul, ils doivent se confier. Tu as dit dans ta parole que quiconque se confie en toi ne sera point confus. Je prie au Père, alors que quelqu'un prend la résolution ce soir de se confier en toi, dans tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, Père, que cette personne ne soit pas déçue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît tout. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît.